Bien bonsoir. Donc, nous allons commencer cette discussion, débat autour du thème des enjeux de l'édition électronique. Donc, je présente la séance à la place de Fabien Charton, le libraire qui tient cette librairie Terre des Livres, dont je suis un habitué. J'ai fait plusieurs fois que je profite de la configuration des lieux et de la localisation dans ce quartier pour, utiliser la librairie comme un lieu de discussion entre lecteurs à propos des livres et plus largement. Hein. Donc, juste un mot pour introduire un petit peu cette discussion. Personnellement, je suis universitaire, à la fois impliqué dans des questions d'édition universitaire. J'édite une revue Géocarrefour qui depuis quelques années est en train de migrer, enfin en tout cas qui, tout en conservant une base papier, est éditée sur Internet en tant que revue électronique, et donc par l'intermédiaire en particulier de revue.org. Et c'est avec cette position-là que je me suis mis à observer un petit peu les mains dans le cambouis cette situation. Et je me suis rendu compte, en dialoguant en particulier avec des étudiants, mais aussi avec mes collègues universitaires, qu'il y avait beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions autour de cette évolution, hein, de l'édition électronique, des questions qui se posent à la fois concernant l'objet, c'est-à-dire la relation entre le texte et un support, qui peut être un support papier, ou qui était un support papier, qui est toujours en grande partie un support papier, mais avec l'apparition donc de nouveaux supports électroniques, que ce soit l'iPad, donc qui est un des derniers nés, mais auparavant toute une série d'autres objets plus ou moins gadgets, plus ou moins utiles, qui posent beaucoup de questions quant aux usages qu'on peut faire de ces textes électroniques. Donc il y a cette évolution-là, et en même temps, derrière cette évolution très, très concrète, qui touche à nos expériences de lecteurs, mais qui reste encore très limitée, d'ailleurs je suis persuadé que la plupart d'entre vous n'avez pas encore vraiment fait l'expérience vraiment d'une lecture électronique, en tout cas sur... Je ne pense pas, pour beaucoup d'entre vous, sur une liseuse dédiée. En tout cas, à côté de ça, il y a aussi un certain nombre d'autres enjeux qui se posent. Donc, l'idée est venue à l'occasion de la parution donc, du livre de Pierre Mounier et Marin Dacos, l'édition électronique, d'organiser ici une discussion. Fabien Charton était intéressé, mais lui-même ne se sentait pas complètement... impliqué suffisamment dans cette évolution, et il m'a donc suggéré de faire appel à Eric Fitoussi, qui est donc le propriétaire de la librairie Passage à Lyon, et qui pourra nous parler d'un certain nombre de transformations qu'il a observées en tant que témoin ou auxquelles il participe en tant qu'acteur sur ces questions. Et puis donc nous avons Pierre Mounier, qu'on a réussi à attraper dans ces périples entre non seulement sur la toile, mais entre Paris et différentes provinces, puisqu'il était là aujourd'hui, et il nous fait l'amitié de répondre positivement à cette invitation pour discuter avec nous. Donc merci beaucoup d'être si nombreux, puisque la salle s'est remplie, et puis j'espère que nous allons avoir une bonne discussion. Alors en introduction, je voudrais faire deux observations, en partie tiré donc du livre de Marin Dacos et Pierre Mounier. Tout d'abord concernant cette notion d'édition électronique, on est donc dans une phase aujourd'hui de transition, de transformation des métiers de l'édition que eux proposent de caractériser à travers trois étapes. La première étape, qui concerne donc cette édition électronique, c'est le défi du numérique. C'est-à-dire que nous sommes face à des textes papier, on est entouré de ces textes papier, nous en avons chez nous en achetons, il y a des journaux, etc. Mais l'électronique nous rejoint, et le défi, c'est de faire passer l'ensemble de ces textes papier vers l'électronique. Et ça pose de nombreux problèmes techniques, ça implique la numérisation ou la digitalisation, selon qu'on est plus ou moins anglophile, de ces textes papier, et puis ensuite un certain nombre de procédures de mise à disposition de ces textes papier. Déjà dans cette première étape, au-delà des enjeux techniques, se pose un certain nombre de questions lourdes sur le plan de l'économie de ce système. On a beaucoup parlé ces derniers mois de Google Livre, on l'appelle Google Livre maintenant, ou Google Édition. Ah ben, il y a les deux. Voilà, il y a les deux. Et bon, justement, qui est un des nœuds du problème, c'est-à-dire que Google a numérisé pour une grande part, sans en avoir les droits, une part très importante et continue du patrimoine de livres mondial. Aujourd'hui, on a appris que justement, ils venaient de signer un accord avec la Bibliothèque nationale d'Autriche pour 400 000 nouveaux ouvrages. Hein, donc, ils continuent cet énorme travail. Mais cela pose bien sûr un certain nombre de problèmes. Donc, c'est première étape. L'édition au défi du numérique. La deuxième étape que vous identifiez dans votre livre, c'est l'édition numérique, justement. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'édition native. Donc, en fait, depuis assez longtemps, dans l'édition, nous utilisons, enfin, nous en tant qu'universitaires, nous en tant qu'auteurs, l'édition en tant que lieu de traitement des textes, ben, on utilise le texte sous une forme numérique, avant de l'envoyer sur le papier. Donc, l'idée, c'est de directement utiliser ce texte numérique et de le diffuser sous cette forme. C'est donc la question de l'édition numérique, avec, là aussi, dans la diffusion de ces textes à travers Internet, à travers un certain nombre de prestataires de services, à travers des librairies en ligne, eh bien, des enjeux techniques, des enjeux numériques qui sont importants. C'est là aussi que l'on va notamment trouver la question de ces nouveaux dispositifs de lecture décentralisés, ces liseuses, qui vont être capables de récupérer dans des formats qui sont pour l'instant encore extrêmement divers et pour une large part peu commodes. Donc c'est là qu'on va récupérer sur nos liseuses ces textes. Et puis, vous distinguez aussi, dans un troisième temps, ce que vous appelez l'édition électronique en réseau. Pardon, l'édition en réseau, ouais. L'édition en réseau, où je dirais que la perspective est un tout petit peu différente. Et à travers cette étape, ce que vous esquissez aussi, c'est finalement des transformations qui sont sans doute assez importantes dans même la production du livre. Vous montrez en particulier que dans la production du livre et dans les interactions autour du livre, le réseau, et en particulier les réseaux sociaux, sont en train de changer, d'une certaine manière, l'acte de lecture. L'acte de lecture qui peut devenir communautaire, la lecture qui peut devenir une sorte de dialogue autour du livre, entre des lecteurs sur des réseaux sociaux, mais éventuellement, on peut même imaginer, et certains auteurs commencent à se lancer dans ces expériences, qu'on pourrait avoir des sortes d'interactions entre, ou des écritures en commun entre un auteur et d'autres personnes qui sont plutôt des commentateurs ou des gloseurs, mais qui d'une certaine manière pourraient devenir auteurs. Enfin bref, là on commence à faire, à se trouver en quelque sorte au bout du texte traditionnel, celui que nous connaissons. En tout cas, bon, c'est une perspective qui est en partie utopique, qui par ailleurs pose sans doute des problèmes sur c'est quoi l'autorité ou l'autorité justement. Et donc, on voit à travers ça que on est face à des changements économiques, je l'ai un petit peu souligné, mais aussi culturels de très grande ampleur. Hein. Alors, je pense que c'était important de rappeler ces trois étapes qui permettent un petit peu de spécifier les questions et les problèmes. Et à partir de là, je pense qu'on a deux axes d'analyse pour la discussion qui vont nous permettre de voir comment se reconfigurent les relations entre quatre types d'acteurs. Hein. Et quatre types d'acteurs, c'est, on va dire tout d'abord l'auteur, l'éditeur, le libraire, et plus largement le diffuseur du livre, et puis dernièrement le lecteur. Et comment, donc, comment interagissent ces quatre types d'acteurs autour de deux lignes problématiques. La première, c'est la transformation culturelle de l'objet livre, dans ce passage du papier au texte numérique. Qu'est-ce que ça change sur le plan culturel, en termes de médiation, en termes de relations entre ces acteurs? Bon, l'éditeur, que devient-il lorsque on peut pratiquement produire un livre à soi tout seul? Deuxième question, et qui vient de ce changement culturel, et qui va accompagner aussi ce changement culturel, et qui va aussi probablement profondément le configurer, il y a des très gros enjeux politiques et économiques liés à ce changement hein, de la chaîne du livre. On a un petit peu parlé ces derniers temps, mais pas beaucoup, peut-être pas autant qu'on aurait dû, des risques que la montée en puissance de certains acteurs, que ce soit Google ou Apple, font courir, ou Amazon, font courir à la libre diffusion de certains textes pour des contenus qui pourraient être jugés offensants, etc. Et où on a des stratégies de la part d'acteurs comme Apple, des stratégies de censure, très peu relayé dans les médias, hein, vous le rappeliez il n'y a pas très longtemps. Donc il y a des questions politiques qui sont très importantes, et puis à travers la montée de ces très grandes entreprises, hein, aujourd'hui Google c'est peut-être la première entreprise mondiale, enfin une des